Section 82 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 6e. Section 82. Croquis de décembre, par Gustave Geffroy. Chapitre 2. Les deux calendriers. Les deux calendriers sont là, sur la table, au dernier jour de décembre. L'ancien et le nouveau. Le calendrier fini et celui qui commence. Sollicitent le regard et font hésiter la main de l'être vieilli d'une année. Pourquoi n'avoir pas détruit, le déchirant ou le jetant au feu, le morceau de carton qui ne représente plus que de la vie écoulée? Pourquoi tout à l'heure le raccrocher de nouveau avec l'autre? Et suspendre à la muraille le souvenir de ce qui n'existe plus? Quel regret brusque de l'utile devenu inutile? Quel désir vain de prolonger dans l'illusion ce qui est passé à jamais? C'est qu'il semble, en maintenant quelques jours encore devant les yeux cette affiche du spectacle de l'année d'hier, qu'un répit ait été accordé par le temps. Une confusion est rendue possible entre les jours qui sont tombés et les jours qui se lèvent de chaque côté de ce dernier coup de minuit, qui termine un an et qui en commence un autre, qui sonne au 31 décembre et qui vibre au 1er janvier. Les soins pratiques de l'existence aident d'ailleurs à maintenir cette croyance fugace en la perpétuité de l'instant qui naît et qui meurt à la fois, à la seconde même où l'homme se hâte de constater son existence. Et quoi? N'y a-t-il pas à terminer en 89 telles affaires qui ont été entreprises en 88? Existe-t-il vraiment une solution de continuité entre nos pensées et nos démarches de l'année morte et de l'année pas encore vivante? À chaque moment, pour relier entre elles les choses qui nous intéressent, il va nous falloir le reprendre, ce calendrier révolu, et calculer avec lui les échéances, et pointer des dates sur les jours que nous avons vécus. Il est donc toujours nécessaire, il le faut visible, et prêt au maniement familier. Son millésime hantera à ce point notre esprit que la plume se trompera et hésitera pendant des semaines en inscrivant les chiffres qui commencent une lettre et qui doivent constater la date véridique de nos préoccupations et de nos confidences. Ces pensées instinctives, presque informulées, de l'homme pressé de travail, avide de réalisation, se creuseront et se préciseront davantage s'il veut, ce matin-là, regarder et réfléchir. Le vieux calendrier, un peu jauni, un peu usé, lui apparaîtra ce qu'il est en réalité, un cimetière d'événements. La vision matérielle est d'accord avec le symbole moral. Les 12 colonnes régulières, où s'inscrivent les mois, sont comme les allées spacieuses et géométriques d'une nécropole. Toutes les petites lignes noires, pressées à égale distance les unes des autres, sont les sentiers multipliés qui partout rayonnent, traversent, se rejoignent, dans les Pères-Lachaise et dans les Montparnasse, où la topographie mortuaire a été administrativement réglée. Chacune de ces petites lignes de calendrier, chacun de ces sillons symboliques creusés dans notre mémoire, équivalent à un rang symétrique de tombes ornées et de caveaux froids où sont enfouis nos actes, les plaisirs et les peines qui ont été notre existence pendant 365 jours. Les caractères différents de l'imprimerie varient les inscriptions et les ornements où se complaît le goût humain dans l'arrangement des dernières demeures. Il y a des petites lettres et des grandes, des minuscules et des capitales, des italiques et des antiques, des égyptiennes et des elzévirienne. Des mots en abrégé, des initiales isolées, alternent avec de changeants masques lunaires. Des fêtes d'église font traverser des semaines par des carillons et des glas. Les jours, les nuits, les aubes, les crépuscules croissent et décroissent, ainsi que dans la réalité visible, si l'on parcourt d'un bout à l'autre des saisons, les avertissements mensuels des augmentations ou des diminutions de clarté. En une minute, la pensée songe à tous les levers et à tous les couchers de soleil qui ont doré et rougeoyé les choses, dans l'espoir des matins et la mélancolie des soirs. Mais l'hésitation commence, et l'embarras vient lorsqu'il s'agit de préciser les souvenirs et de localiser les impressions. La plupart de ces dates, si bien à leur place, dans un ordre si inexorable, se refusent aux appels impérieux et aux sollicitations obstinées. Toute l'activité de la vie que l'on voudrait passer en revue se dérobe et s'évanouit comme la rêverie éparse que l'on voudrait ressaisir. C'est à peine si quelques journées émergent nettement de ces lointains où des silhouettes s'agitent confusément sous des lueurs fugitives. Ces rares journées ont été marquées par de subites violences de joie, par des apparitions inattendues du plaisir, ou par des guet-apens du sort, par des tristesses lourdes comme des pierres et noires comme la nuit. Plaisirs courts et tristesses longues sont maintenant côte à côte, enfouis dans des tranchées parallèles. Le souvenir tantôt voltige en arrière vers les distractions défuntes, coquettement embaumées dans des tombeaux d'apparat, aux vitres coloriées de kiosques, aux angles agrémentés de fleurs en panache, aux frontons scintillants de devises de fête, tantôt s'abat vers les deuils irréparables, couchés au profond de la terre, sous des dalles plates où séjourne la jaune immortelle et le lierre qui rampe à travers les ronces. De telles fixations des actes accomplis et des sensations ressenties ne sont pas nombreuses. Il faut que l'âme ait été profondément remuée et les conditions de l'existence brusquement changées pour que le nom d'un jour et le quantième d'un mois restent de cette façon irréparablement empreints dans notre cervelle oublieuse. Pour le reste, qui est quelquefois tout, il est disséminé sans possibilité de rien rassembler, si la précaution n'a pas été prise de noter au jour le jour les menus faits, les observations rapides, les grosses émotions. Les cases du calendrier se brouillent alors, se confondent, disparaissent sous le sol bossué, et sous les hautes herbes d'une fosse commune, sans plan et sans inscription. Il y a des couches superposées d'incidents, de déplacements, d'avaries, de réussites. Il y a des terrains vagues, restreints comme les jardinets, et qui nous semblent étendus et mystérieux comme des steppes, seulement parcourus par des vents qui passent, par des averses qui tombent, par des ombres qui rôdent. Il est bien impossible de dire où gisent les efforts tentés et les faits accomplis, à quel jour exact commencent les printaniers commencements d'amour et s'achèvent les séparations d'automne, quand se sont nouées et cassées les amitiés, comment s'introduisent les causes des malaises physiques et des crises morales, quels chemins ont gravi nos ambitions et quels autres ont dégringolé nos lassitudes. Si le vieux calendrier laisse tant de questions sans réponse, le calendrier neuf, semblable d'aspect, malgré ses caractères plus nets et son papier plus blanc, est autrement vide et énigmatique. C'est une étendue à défricher, un espace à remplir. Ici, l'impénétrable est installé despotiquement, et sur le champ désert que représente cette feuille d'almanach, le mirage que crée notre imagination prend des airs de figure au visage masqué, visage de sphinx aux yeux fixes et à la bouche serrée. C'est que rien n'est plus emblématique et plus provocateur de réflexion que ce calendrier qui annonce, avec la régularité et la placidité de la clepsydre, du sablier et du pendule, l'écoulement des heures, la tombée des jours, la fuite des années. Avec l'indication des résolutions terrestres, des courses solaires, des substitutions de saisons, des accroissements et des diminutions de lune, avec la prévision des marées et le programme astronomique, avec la presque invariable mise en scène de la nature mathématiquement calculée et prédite, le sommaire chronologique de l'année nouvelle contient l'inconnu algébrique impossible à dégager, tout ce que l'homme appréhende et espère, tout ce qui est soupçon et tout ce qui est promesse. Les noms et les dates des 12 mois, les lettres des prénoms et des fêtes qui désignent les jours, sont les jalons d'avance fixés de nos existences, les pierres d'attente qui supporteront l'échafaudage des bonheurs et des malheurs d'une année d'existence. C'est du décor et du trompe-l'œil, ce mot qui est imprimé en face de ce chiffre et de cette lettre. C'est la banalité qui sera remplacée sans rémission par l'indevinable enfin connu de la destinée de demain. On regarde donc avec de philosophiques retours et des prévisions hésitantes ces colonnes imprimées qui mettent sous les yeux la claire mesure du temps et qui défendent à l'esprit l'approche et la connaissance des réalités futures. Le prévu n'existe pas, les haltes et les rendez-vous que l'on s'assigne à soi-même se déplacent, les buts se reculent ou se rapprochent. À quoi bon méditer et pronostiquer? On n'est sûr ni d'une rencontre, ni d'une œuvre. On ne sait si l'on s'éprendra d'un profil entrevu et quelle influence naîtra d'un croisement de regards. Nul ne peut dire le jour où des catastrophes feront osciller ou refleurir la terre de la patrie. À peine si l'on peut prévoir qu'avril sera tiède, que l'été sera chaud et l'hiver froid. N'importe. Dans cette incertitude de toujours, l'homme a voulu régulariser la minute qui passe et le temps qui vient. Il a marqué les heures au cadran, il a voulu les entendre sonner. Il a inventé les jacquemarts qui frappent et les coucous aux cris mécaniques. Il a mis dans sa poche le bruit d'un chronomètre et, levant ses yeux, la pancarte du calendrier. Voilà pourquoi, chaque année, ce calendrier muet sera pris avec la même fébrile curiosité. En bas ou en haut, ici ou ailleurs, quel que soit l'âge, la situation, l'esprit, tout être susceptible de rêverie restera les yeux perdus et l'intelligence en arrêt devant le grimoire où nul ne peut lire. Cette femme, élégante, riche, un peu fanée au jour, si vivante et si jeune le soir, connaîtra dans sa paresse du matin le désir et la crainte d'être renseignée par cet almanach luxueux, au paysage chimérique, qu'elle scrute de l'inquiétude de ses yeux. Ce solitaire qui vit à la campagne, qui connaît l'heure par le chant des oiseaux, par l'ouverture des soucis et des belles de nuit, par le rétrécissement et l'agrandissement de la pupille du chat, ce solitaire écoutera retentir en lui-même le pas du facteur, coureur de routes éternelles, qui s'en va dans la neige. Il regarde alors le calendrier aux indications agricoles. Il regrette ou il se réjouit, il siffle ses chiens et il sort dans la brume matinale. Fin de la section 82.